Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Jean-François Auguste, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui va être en tournée d'ailleurs dans le Val d'Oise à l'occasion du Festival Théâtral du Val d'Oise ces prochains jours, ces prochaines semaines, et dont deux représentations sur la scène du Théâtre 95 à Cergy-Grand Centre les 10 et 11 décembre prochains. Le spectacle, il s'agit de Love is in the Air, j'espère avoir bien prononcé, je le dirai peut-être à la française, je ne sais pas si ça conviendra, L'amour est dans les cheveux. C'est ça, que c'est R avec un H. Voilà, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un spectacle sur les personnes afrodescendantes vivant en France ou en Europe qui ont décidé de laisser leurs cheveux naturels, leurs cheveux crépus et de ne pas les défriser ou de ne pas mettre de rajout ou de perruque. Mmh. Et du coup, toute cette démarche-là entraîne plein de questions intimes dans leur vie de tous les jours, que ce soit au travail, pour les recherches d'emploi, ou ça amène beaucoup du coup de questions sur les discriminations liées aux cheveux et du coup à la couleur de peau et au diktat peau claire cheveux lisses. Fil conducteur de votre création, le fil sera esthétique, ai-je lu, pour mettre en lumière le mouvement Nappy. De quoi s'agit-il? Bah, le mouvement Nappy, c'est un mouvement qui est né dans les années 2000, d'abord aux États-Unis, qui était justement, en fait, c'est la contraction de Natural and Happy, et c'est vraiment les gens, justement, tous les afro-descendants qui ont décidé d'arrêter de se défriser les cheveux pour laisser leurs cheveux naturels. Mmh. Vous avez bien l'appui d'une autrice pour ce spectacle, car le travail d'écriture s'est fait de quelle manière? En fait, avec la compagnie, on travaille sur ce qu'on appelle la question des humanités, justement, et c'est sur les questions de la différence et la question des identités, comment on construit son identité. Et pour chaque spectacle, on s'immerge pendant un an ou deux ans auprès des populations concernées par la question du spectacle. Donc là, pendant un an et demi, deux ans, on a fait beaucoup, beaucoup d'ateliers avec des amateurs ou en milieu scolaire, où justement, on a récolté plein de témoignages liés aux cheveux naturels justement et aux discriminations qui s'en suivaient. Donc du coup l'auteur qui est une autrice qui s'appelle Laetitia Janoun a participé avec moi aux ateliers et on a récolté comme ça plein d'anecdotes et d'histoires intimes et personnelles pour construire le texte. Juste préciser qu'elle est née à Liège d'une mère belge et d'un père d'origine béninoise. Oui. Est-ce que ça aide justement pour justement recueillir ces témoignages qui ont été nécessaires justement à cette écriture? Oui, c'est-à-dire que nous, à chaque fois avec la compagnie, on travaille avec un auteur qui est concerné aussi par la question qu'on va mettre en scène et qu'on va mettre de façon théâtrale et qu'on va fictionner, parce que ce qui est important, c'est de dire qu'on fait du théâtre documenté, mais pas du théâtre documentaire. Donc du coup, on récolte toutes ces anecdotes, ces histoires, et après on fictionne tout ça pour créer un spectacle. Mmh. Donc du coup, effectivement, Laetitia est concernée par la question puisqu'elle a les cheveux crépus. Mmh. Alors, spectacle qui s'est construit sur des références musicales, cinématographiques, télévisuelles, tout cela pour avoir une matière multiple pour l'écriture du spectacle? Oui, c'est-à-dire que sur scène, il y a une batterie, il y a une batteuse qui s'appelle Christiane Prince qui joue en live et du coup, il y a des fois quelques petites références toute une dramaturgie musicale aussi. Dans le spectacle, on parle aussi de Beyoncé. Il y a pas mal comme ça de références liées à la culture pop qui apparaissent dans le spectacle. On parle de Maître Gims, par exemple. Les grandes figures noires de notre temps. C'est ça. Alors, cependant, quelle est la part d'imaginaire? Ou est-ce que c'est un théâtre documentaire? Non, justement, je vous disais, nous, on fait pas de théâtre documentaire, on fait du théâtre documenté. Donc après, Laetitia, elle a refictionné tout ça. Donc on suit, en fait, il y a six acteurs sur le plateau, plus une batteuse. Mais les six acteurs, donc, sont des personnages. Il y a Nelson, Lisa, Suazic, Pierre-Alexandre, Léonard. Et du coup, on suit ces six personnages-là dans leur... qui racontent justement des discriminations qu'ils ont vécues liées à leurs cheveux. Et on suit comme ça six histoires qui, à un moment, s'entremêlent et s'entrecroisent sur le plateau. Alors, parler des cheveux, c'est comme effectivement dans notre société, parler de la couleur de la peau, ce ne sont pas des sujets neutres, le moins qu'on puisse dire. Ils ont toujours été utilisés pour racialiser, voire pour hiérarchiser les peuples. Est-ce que ce spectacle se fait référence, voire donne résonance à ce que je viens de dire? Bah oui, on questionne de toute façon les mécanismes de discrimination dans notre société. Il y a ce qu'on appelle le racisme systémique, c'est-à-dire qui est mis en place depuis des siècles dans notre société, lié à l'histoire du colonialisme et tout ça. Donc l'idée, c'est de faire émerger justement les mécanismes de racisme systémique et de montrer les privilèges qui sont liés à la population blanche et de montrer justement là où les discriminations sont faites sur les populations noires. Ne serait-ce que sur des choses toutes simples comme le terme « black », aucune personne noire dit sur les personnes blanches les whites, on dit les blancs. Donc voilà, il faut arrêter de dire les blacks, on peut dire les noirs, il n'y a aucun problème, les personnes noires. Et voilà, donc c'est de mettre en place toutes ces petites choses-là. C'est comme par exemple le pansement couleur chair, ça ne marche pas sur les personnes noires, les pansements couleur chair. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont mises en place dans notre société qu'on essaye de mettre en lumière et juste de questionner, parce qu'après on ne donne pas de réponse, c'est juste de permettre à la population blanche et aussi à la population noire de re-questionner toutes ces discriminations qui sont des fois inconscientes et mises en place dans notre société. Oui, la question que je me posais, c'était de savoir si bien, votre spectacle prenait la forme d'un manifeste. Non, parce qu'avec Laetitia, on a vraiment dit que ce qu'on voulait, c'était justement ne pas être un porte-drapeau, même sur la question du cheveu crépus. On a rencontré des femmes qui nous disaient bah moi ça me permet de changer de coiffure et tout ça, donc c'est pas du tout de dire il faut absolument que les personnes noires aient leurs cheveux crépus pour assumer leurs origines. La seule chose, c'est de voir si le mécanisme est conscient ou pas chez ces personnes-là. Mais par exemple, on avait parlé aussi avec Laetitia de Michelle Obama qui n'est jamais apparue avec ses cheveux crépus pendant tous les deux mandats de Barack Obama et pendant les campagnes présidentielles. Et il y a eu des photos qui sont sorties 6 mois après la fin du mandat de Barack Obama, du deuxième mandat, où on la voit avec ses cheveux crépus. Et du coup, c'est aussi de s'interroger sur même les personnes qui sont plutôt à des postes de pouvoir et haut placés, quand même subissent les dictats populaires chevelus. Parce qu'il y a eu un article dans le New York Times qui disait que si Michelle Obama était apparue avec ses cheveux crépus, Barack Obama n'aurait jamais été élu. Donc c'est de dire aussi que même les personnes qui sont plutôt à des places de haut pouvoir subissent quand même le diktat Poker Chevelis. Pour ce spectacle, vous avez parlé, dans le dossier de presse, j'ai lu ça, exploration de plusieurs paroles d'Afropéens. Intéressant de s'arrêter sur cette identité malmenée. Mais en même temps, je crois savoir que ce n'est pas simplement ce sujet-là, de l'identité, mais également des sujets autour qui sont prégnants dans nos sociétés aujourd'hui, sur les critères de beauté. Qu'est-ce qui est la norme ou pas? C'est aussi ça qui est évoqué dans le spectacle? Oui, après, nous, ce qu'on essaye de faire dans la compagnie sur la question des humanités, c'est toujours de prendre un prisme au départ. Donc là, c'est le prisme du cheveu et vraiment lié aux Afropéens. Mais c'est d'ouvrir à chaque fois plutôt sur de l'universel en essayant d'interroger chacun sur comment il se construit dans une société. Parce que là, on a vu, nous aussi, en faisant les ateliers, que il y avait des enfants qui, dès leur plus jeune âge, sont soumis à des critères esthétiques, alors que il y avait des petits garçons blancs, par exemple, qui disaient « moi, je peux pas sortir sans avoir une mèche comme ci, une mèche comme ça », c'était des références à des coupes de footballeurs. Donc c'est comment, à chaque fois, chacun s'inscrit dans une représentation de lui-même et construit son identité, mais par rapport à des dictats qui sont mis en place par la société. Moi, je me souviens, je suis plus vieux, mais moi, quand j'étais au lycée dans les années 90, la mode, c'était les permanentes pour les filles. Toutes les filles voulaient avoir des cheveux frisés. Dernière chose, on parle bien d'un spectacle qui mêle à la fois théâtre, musique et danse, qui mêle l'ensemble, et vous dites qui démêle la grande histoire. C'est un peu ça, pour sans faire de jeu de mots. Oui, parce qu'on évoque aussi des périodes de la politique française. C'est vrai qu'on évoque à un moment toute la période de François Mitterrand où toutes les personnes qui étaient nées sur le territoire français, de parents étrangers, si à 18 ans ils ne demandaient pas à ne pas être naturalisés français, ils étaient automatiquement français. il fallait demander à ne pas vouloir être français. Donc c'est ce qu'on n'est plus du tout dans ces politiques-là. Love is in the air, l'amour est dans les cheveux, si je faisais une traduction rapide. Tout cela pour rappeler à nos auditeurs que ce spectacle sera en effet en tournée dans le Val d'Oise à l'occasion du festival théâtral de ce même département et qu'il sera à découvrir sur la scène du Théâtre 95 à Cergy Grand Centre, à l'affiche de la programmation de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, les mardis 10 décembre à 20h30 et le mercredi 11 décembre à 20h30. Un grand merci à vous, Jean-François Auguste. Merci.